بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لحكمة الصيام، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الحكمة والصيام، والتقوى اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من المحبوبات وترك المنهيات. Donc la sagesse du jeûne est retrouvée dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux ceux qui ont cru: il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit au peuple avant vous, en espérant que vous intégrez la piété ou la crainte. Et cette taqwa, c'est un nom général qui va englober tout ce que Allah Azza wa Jal aime et agrée. Parmi donc ceux qu'il aime et parmi ceux qui est interdit, ceux qu'il a interdit. Donc le mahboubat, tout ce qui sont désirés auprès d'Allah, et tout ce qui est aussi donc interdit auprès d'Allah. فالصيام الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الغاية التي هي غاية السعادة للعبد، غاية سعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته. فالصائم يتقرب إلى الله بترك المنهيات والمشتبهات المشتهيات تقديما لمحبته على محبة النفس، ولهذا اختصه الله عز وجل من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح، يعني الصيام لي، الصيام لي أجزي به. Donc le jeûne, c'est le grand chemin ou le chemin le plus important afin d'arriver à cette crainte, donc à ce but qui est la crainte. Et ce résultat, donc ce but, est en vérité le summum du bonheur du serviteur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le jeûne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant ses désirs et en faisant passer donc l'amour d'Allah azza wa jal avant l'amour de l'âme, l'amour de ce que tu aimes, car tu aimes manger, tu aimes boire, tu aimes faire des choses, mais pour ça tu les délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc aime beaucoup ça et il te récompense énormément. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a laissé le jeûne spécifique pour lui vis-à-vis de la récompense. Comme dans le hadith qui est authentique, où Allah dit bien que donc, le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Donc on sait que souvent on entend le hasana donc de 10 à min ashra ila 700 adraf, donc de 10 à 700 fois. Donc le jeûne c'est encore plus que ça. Car tu laisses tes désirs, les choses de la vie d'ici-bas pour Allah subhanahu wa ta'ala. وهو من أصول التقوى إذ الإسلام لا يتم بدونه. Et le jeûne en fait partie des bases de la crainte, et l'islam ne sera pas en vérité d'un complet, ne sera pas en vérité fait de façon parfaite que sans cela. وفيه من زيادة الإيمان حصول الصبر والتمرين على المشقات المقربة إلى رب السماوات. Et aussi, donc, il y a aussi le fait que la foi augmente. Ziyadatul iman. Et tu apprends à obtenir quelque chose. Cette chose, c'est la patience. Tu t'entraînes. À quoi? À patienter sur les choses difficiles. Mashaqqat, donc des fois il fait chaud. Tu as soif, mais pourtant tu jeûnes. Tu as faim, et pourtant tu jeûnes. Donc ça, cette difficulté, elle te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va te rapprocher en vérité de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa annahu sababun li kathrat al hasanat min salati wa qira'ati wa dhikr wa sadaqa ma yuhaqqiq al taqwa. Likadhalik, yani fi Ramadan, ala al insan an ya'rifa anna fi Ramadan shahru qira'a wa salat wa sawm wa sadaqat. Hadi al ashya al arba al muhimma fi shahr Ramadan. Al qira'a, الصلاة والزكاة يعني الصدقات وكذلك الصوم. Donc en vérité, la personne prend ce mot-là, donc ce mot-là c'est aussi une cause pour obtenir énormément de récompenses, énormément de hasanat, par rapport à la prière, par rapport à la lecture du Coran, par rapport au rappel de dhikr, par rapport au sadaqat, donc les aumônes. Et toutes ces choses-là, en vérité, vont faire que la crainte va se concrétiser. وفيه من الدرع النفسي على الأمور المحرمة من الأفعال المحرمة والكلام المحرم ما هو عماد التقوى. Il y a aussi le fait donc de retenir en vérité son âme, c'est-à-dire contre les choses qui sont interdites. Tu vas donc faire les efforts pour ne pas en vérité dire ou de faire les choses interdites et de les dire aussi. Donc de prononcer des paroles qui sont interdites, et ça en vérité donc c'est un pilier parmi les piliers de la crainte, le fait de se retenir. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم dit, celui qui ne retient pas, donc celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et qui ne le met pas en pratique, donc en fait il n'a pas besoin auprès d'Allah de délaisser sa nourriture et de délaisser sa boisson. فصم ليس فقط إن الإمساك عن الشراب وعن الطعام وإمنا كذلك الإمساك عن الكلام السوء فالذي يتكلم بالسوء فكأنهما صام فكأنهما صام فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما يحتاج فيتقرب العبد إلى الله بترك المحرمات مطلقا وهي قول الزور وهو كل كلام محرم والعمل بالسوء هو كل فعل محرم. Donc lorsque il va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en délaissant ce qui est interdit, donc par le zour, donc le faux témoignage, si on le traduit de façon, c'est-à-dire linguistique, mais ici en vérité c'est encore plus vaste que le fait de faire le faux témoignage. Mais c'est aussi en vérité c'est toutes les paroles qui sont interdites, toutes les paroles qui sont interdites. Et l'amal bizur, c'est aussi tous les actes qui sont interdits. Donc toute la parole et tous les actes en vérité, tous les actes qui sont interdits. وبترك المحرمات لعارض الصوم وهي المفطرات. Donc il va aussi délaisser tout ce qui va en vérité annuler le jeûne. Donc bien sûr il va délaisser donc les mufterat, c'est-à-dire il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne va pas s'accoupler. لما كان فيه من المصالح والفوائد وتحصيل الخيرات والأجور ما يقتضي شرعه في جميع الأوقات. أخبر تعالى أنه كتبه علينا كما كتب على الذين من قبلنا وهذا شأنه تعالى في شرائعه العامة للمصالح. Donc ici il y a un bénéfice général, في مصلحة للناس وفوائد للناس وتحصيل الخيرات الخيرات من عند الله عز وجل وكذلك الحسنات. Donc en réalité Allah عز وجل donc a permis par rapport à cela a donné des bénéfices et des choses qui vont donc être profitables pour la communauté, le fait aussi de recevoir donc tout bien ainsi que toute récompense, donc à chaque fois, dans toutes les communautés, dans tous les temps. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal l'a écrit pour nous comme il l'a écrit pour les peuples qui étaient avant nous. Et ça donc c'est vis-à-vis donc, des choses importantes pour en vérité, dès qu'il y a une maslaha amma, dès qu'il y a, en vérité, qu'il y a un bénéfice qui est général, qui va toucher tout le monde, Allah donc l'a déjà aussi donc souvent, donc il l'a ordonné. Il a légiféré au peuple qui était avant nous. Comme la salat ou le zikr. Le zikr ou la salat, kanat, mawjouda qablana. La prière, le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est des choses qui existaient déjà avant nous, par exemple. Amma ahkamu, ahkam al-sawm, yani, taman, ahkam hadhi, hasab al-awqat. Donc on va parler un peu des règles du jeûne qui sont en vérité selon en vérité les moments. Amma as-sawm al-wajib wal-fard fa huwa siyam shahr ramadan ala kulli muslimin mukallaf qadir wa kadhalika as-sawm an-nadhr wal-kaffara. Yani ba'd as-siyam ba'd ayyam as-siyam la takun yani wajiba mathalan alladhi yurid an yasum mathalan yawm al-ithnain aw al-khamis. Amma as-sawm al-wajib shahr ramadan aw an-nadhr أو الكفارة. وهذا يعني واجب على كل مسلم بالغ يعني مكلف قادر وهو مثلا مكلف وكذلك قادر يعني عاقل إلى آخره. Donc le mois du Ramadan, il sera donc c'est un jeûne obligatoire pour tout musulman qui en est capable et qui a aussi donc celui qui est en vérité donc désigné. Il est en réalité désigné, quand on dit mukallaf, dans le sens il entre dans le coup du statut de ce texte, car il a l'âge, il est en forme, il a la raison, il est musulman. Donc lui, il est obligé de jeûner. Donc qui en vérité le pubère? Le pubère, c'est celui qui a vu où, donc il a vu où le spermatozoïde sortir, donc il est devenu homme, ou bien il a eu le poil dur donc autour de son membre, ou bien s'il n'a pas eu ni l'un ni l'autre, c'est l'âge de 15 ans. Ça devient l'âge de 15 ans. Et pour la femme, donc les menstrues. Et un nazar, c'est le vœu. Shakhs yahlef, yakou mefren, in mefren, sabtou, li tahsil shahadat al baccalauréat, mefren, assoum, tasaddaqou, kada wa kada. Fa yajib alayhi, un youfi nazara. Donc le vœu, c'est comme si quelqu'un venait à dire par exemple, si j'ai mon bac, je vais par exemple, donc je vais quoi? Si je réussis sur mon examen du bac, je vais jeûner, ou bien je vais donner en aumône. Pour lui, il sera obligatoire de le faire. Ça devient un jeûne qui devient obligatoire. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne le fait qu'en vérité que l'avare. Lui le veut. Si tu veux jeûner, tu jeûnes sans vœu. Allah Azza wa Jal, il est riche. Allah le Ghani, ou Anta le Fakir. Laisse Allah, il est bihaja ilayk. Anta bihaja ilallah. Allah n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin d'Allah. Donc tu n'as pas à dire, si j'ai ça, alors je fais ça. Ça ne va pas augmenter la royauté d'Allah Azza wa Jal en quoi que ce soit. Mais plutôt, ça va être profitable pour toi si tu jeûnes. Ou si tu fais la sadaqa sans faire le vœu. Mais si tu le fais, tu es obligé de le faire. Parce que tu as donné ta promesse. Wal kafara. Donc le kafara, c'est selon en vérité les situations. Donc il a fait telle chose, il est obligé d'expier. Donc des fois on peut retrouver, il va peut-être jeûner 3 jours, il va peut-être jeûner 10 jours, il va peut-être jeûner 2 mois. Ça dépend en vérité de ce qu'il a fait. Amna as-sawm al-muharram fa sawm ayyam al-eid. La yajuz al-muslim an yasuma yawm al-eid. Donc le fait de jeûner le jour du Eid, la yajuz. لذلك لا يجوز الصوم يعني يوم الجمعة وحده يعني هكذا من غير رمضان لا يجوز الصوم يوم الجمعة وحده من غير رمضان donc le fait de d'interdire donc il est interdit de jeûner les jours de fête donc les deux jours de fête qu'on connaît عيد الأضحى و يعني عيد رمضان بعد رمضان كذلك يوم الجمعة la même chose pour le jour du vendredi ou ayam tashriq illa للمتمتع وقارب عدم الهدي ولم يصوم قبل يوم النحر. Donc ayam al-tashriq yani min ba'd al-eid, donc les jours qui viennent après l'Eid, le 11 yani fil hajj yani le 11, le 12, le 13, les jours de ayam al-tashriq qui viennent après le jour du Eid. Pour celui qui a fait le hajj mutamatta' le qarin, parce que normalement il doit égorger, mais lui il n'a pas les moyens d'égorger, donc il va jeûner 3 jours fil hajj et 7 jours il a raja, 7 jours s'il revient du Hajj chez lui. Il va jeûner 10 jours. Parce qu'il n'a pas pu en vérité mourir. Il n'a pas pu sacrifier. Mais pourtant, il a fait le Hajj mutamatta. Il y a l'Omra wa ba'da dhalika al Hajj. Wa hunak fasl baynahuma. Ama al qarin l'Omra bil Hajj. Mubasharatan. Yakun bas sa'i wahid. Yakun fi sa'in wahid faqat. Mathlan dhahaba. Tafa wa sa'a yamshi mubasharatan ila Mina. أو طرفا يمشي مباشرة إلى منى فعليه أن يسعى سعي واحد إما قبل إما مثلا يوم النحر أو إما يوم الحج أو بعد ذلك مثلا حسب دونك يكون سعي فيه باسكو سي سا سي لا ديفيرونس كتير انتر متمتع يا با دو فاصل يا با ان فيريتي دو سي دير كي يبا يا ريان كي مون فيريتي دونك كي فا سيباري لي دو il reste en état d'ihram, il va directement faire Amina. Et il fait ses rites du Hajj, et le jour du Hajj, donc le jour du Eid, lorsqu'il va faire la tawaf, hein, Tawaf al-Ifada, il va faire après Sa'i. S'il n'a pas fait Sa'i auparavant. S'il a fait auparavant, il n'a plus de Sa'i à faire. C'est ça donc la différence entre eux. Et eux, ils ont besoin d'un mouton. La sunna, c'était qu'ils ramenaient Sa'q al-Hadi. La sunna avant, c'est que les gens, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hatta sahaba, kanu yatoud bi al-kafsh. Ils venaient avec les moutons. Enfin, eux, ils n'ont pas jeûné à Kulhat Krab le Yom al-Nahr. Ils n'ont pas jeûné par rapport à cela avant. ومن الصوم المحرم صوم الحائض والنفاس المرأة لها الحيض ولها النفاس فهي لا يجوز لها أن تصوم donc la femme qui a ses menstrues ou ses rechis il est interdit pour elle de jeûner لأنها ليست يعني طاهرة elle n'est pas pure comme une شروط يعني un صوم c'est justement الطهرة يعني الخاص بالنسبة للنساء المريض الذي يخاف التلف يعني le malade qui a peur en vérité que s'il jeûne, il va tomber gravement malade ou bien il va peut-être mourir. La maladie grave, elle est juste de jeûner. C'est pas comme j'ai juste un petit souda. C'est donc une petite, j'ai un petit peu mal à la tête, mais que la personne elle peut réussir à résister. Mais quelqu'un qui a une maladie grave, lui, il ne va pas jeûner. Wa kazalika yajib al-fitr ala man yahtajuhu al-qadr al-ma'soum min halaka. Donc bien sûr, ma femme, si quelqu'un est un peu gravement malade et qui risque d'être de périr, imaginez, il s'étouffe. En ce moment, on peut lui donner de l'eau. Voilà, le jour du Ramadan, pour pas qu'il meure. Et un chayat qabla zalik. Ou alors, c'est yardé. Et un manbad. Et lui, il va en vérité récupérer ce jour-là. Et un manbad, il y a un manbad, Hassan Yaniché. Il arrivait donc en vérité, donc, une situation grave, délicate. Amma soum al-mesnoun, yani al-mendoub, yani sunna, ou le recommandé, c'est-à-dire le jeûne qui est recommandé, donc, فهو الصوم التطوع المقيد والمطلق دونك لو فات دو جوني المقيد والمطلق يعني مقيد مثلا يوم الاثنين يوم الخميس ايام شوال ستة من شوال فهي مقيدة بشعر مقيد معين يعني شوال انت لا تقول مثلا بعد الشوال انا اصوم شوال خلاص خلص عشر شوال اذا هذا الصوم يحتاج فيكون في وقته والمطلق الصوم الذي تريده تقول مثلا انا بكره اريد ان اصوم بكرة خميس ولا بكرة ثلاثة واربعة أريد أن أصوم فهذا صوم مطلق يجوز لك هي السنة أما المكروه فهو الصوم المريض الذي عليه مشقة يعني المريض عليه مشقة ولكن لا يخاف من التلف il n'a pas peur de la mort mais il sent que c'est un peu difficile pour lui il ressent la difficulté et il jeûne quand même فهذا مكروه ليس من الإيمان donc ليس من الإيمان normalement il ne doit pas faire comme ça يستفيد من une urksa min Allah Azza wa Jal. Il profite en vérité des permissions d'Allah Azza wa Jal de ne pas jeûner pour ne pas se faire du mal. Les saharam, lakin makroh, c'est détestable. Amma al-ja'iz, fawa soum al-musafir, wa yajouz an yasoum ou an yuftir. Al-musafir, yajouz alayhi imma yasoum, imma yuftir. Khususan ida safara fi yom yani ibtida soumihi fil haram. Yani, مثلا هو بدأ أن يصوم فهو يعني يختار حسب السفر وحسب يعني متى يصوم يعني في النهار إذا مثلا ذهب يسافر يعني يوم ساعة ولا ساعات قبل الإفطار ما يحتاج أن يفطر فيما بعد إذا بدأ في أول وقت والسفر صعب وفي مثلا الشمس مشقة فعليه الأفضل أن يفطر يشرب مثلا ثم ان شاء الله يحتي لان هذا يعني كما كان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم البعض كانوا يصومون في السفر والبعض كانوا يفطرون ولا احد يعيب على الاخر ما في احد يتكلم عن الاخر واحد يصوم وواحد يفطر حسب يعني طاقه الناس حسب اراده الناس وطاقه الناس دونك يابي دي جون كي جوني يابي دي جون كي ني جوني با parmi les compagnons du prophète رضوان الله عليهم les personnes ne disent rien à personne. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont différents d'autres. Il y a des gens, alhamdoulilah, ils ont la force, ils ont la capacité, pour eux c'est facile. Même si c'est un voyage, ça ne les dérange pas du tout. Il y a des gens, non. La soif, elle leur revient très vite. Il y a plein de choses comme ça. Ils ont besoin, par exemple. Eux, ils ont besoin. Donc lui, il a le droit de rompre le jeûne par rapport à ça. Amma al-fawaid al-ijtima'iyya, nisbat al-soum, yani. شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير ويقلل مزالق الشيطان لابن آدم Donc, parmi les bénéfices du jeûne, ijtima'iyya, c'est-à-dire vis-à-vis de la communauté, donc les bénéfices sociaux, c'est-à-dire vis-à-vis de la communauté, c'est que la personne elle ressent que la communauté est une seule communauté. Umma wahida. Yasumun, hein, yasumun fi waqtin wahid wa yafturun fi waqtin wahid. On va jeûner à la même heure, tous ensemble, au même moment, et aussi on va rompre le jeûne en même temps. Et le riche aussi, il se rappelle en vérité des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aide le pauvre. لأنه هو الآن كأنه فقير الفقير يعني من عادته أن يجد الأكل إلا القليل فهو ممكن يعني كأنه صائم le pauvre c'est comme s'il était un jeûneur parce qu'il ne trouve pas de nourriture que très peu de nourriture donc le riche le fait qu'il va se il va descendre en vérité au niveau du pauvre dans le sens où il ne va pas manger et c'est pas ses habitudes هو ما شاء الله عنده ما شاء الله il a en vérité énormément de choses donc ما شاء الله et à ce moment-là il change il ne mange pas tout les bienfaits qu'il a pu devoir sur ses tables, il ne les voit plus. Hein? Donc il va avoir que le soir. Donc il va devoir patienter pour ça. Donc il va être en vérité plus doux. Et compensation avec le pauvre. Donc et bien sûr aussi, les shaitans, bien sûr, en vérité, il va ne pas traverser. Donc, c'est-à-dire que shaitan, en vérité, il ne va pas en vérité embêter les gens. Bien, il ne va pas aussi traverser les enfants d'Adam, dans le sens où il ne va pas venir en vérité faire la différence. Dans le sens, il ne va pas venir en vérité séparer les musulmans les uns vers les autres. Le fait que Shaitan, en vérité, ne trouvera plus d'issue. Le fait que leur peur, parce que les... On sait que Shaitan, un yajri, yani, un ben yadam, un jidam. Shaitan, il se... Donc, il circule chez les fils d'Adam, comme le sang circule dans tes veines. Et comme en ce moment-là, tes veines, elles se rétrécissent parce que tu ne manges pas beaucoup, donc, Shaitan, il passe pas aussi facilement. C'est pas comme si c'était donc un grand orifice, c'est un petit orifice. Il ne trouve pas de place. Donc Shaitan n'en arrive pas à mettre la discorde par contre les musulmans aussi facilement que lorsqu'il la met en Ramadan. Ensuite, Taqallah Azza wa Jal, ou Taqallah Azza wa Jal, il est awsal bayna afrad mujtama. Donc aussi le fait qu'il y a la crainte d'Allah Azza wa Jal, et c'est aussi donc, ce qui rassemble en vérité la communauté. Hatta yani, kadhalika arkan al-islam kulluha لها فوائد بالنسبة للمجتمع لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التي تجمع جميع الناس الصلاة تجمع جميع الناس يعني نصلي تجاه قبلة واحدة والصوم نفس الشيء والزكاة نفس الشيء من الغني إلى الفقير والحج نجتمع في مكان واحد فأركان الإسلام كلها لها فوائد يعني عجيبة بالنسبة يعني تكتف المجتمع وكذلك يسألون يعني بالنسبة من يعطي ويذبح يعني في رمضان يريد مثلا أن يفعل الخير في رمضان فالإطعام الطعام في شهر رمضان مزيد من فضيلة نظرا لشرف الزمان ولحاجة الصوام إلى الطعام فالذي يريد أن يطعم الناس في سبيل الله بعد الجيف في رمضان لأن الناس أولا يحتاجون إلى ذلك وهذا الشهر مبارك يعني كلما ازددت يعني من الخير ازددت من الحسنات يعني لأن في شهر رمضان تضعف لا تكون كالشهر يعني الأخرى لأن هناك في هذا الزمن يكون زمن مشرف donc le fait de nourrir les gens c'est très bien pour le mois du Ramadan car premièrement les jeunes auront besoin de manger et deuxièmement c'est un mois béni c'est un mois donc qui est noble et le faire du bien pendant ce mois qui est noble c'est très bien bien au contraire c'est en vérité très bien فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره من فطر صائما فله مثل أجره انظروا إلى هذا الشيء يعني الثواب العظيم فأنت تفطر الناس والله يعطيك الحسنات كأنك يعني مثل ما فعل هو donc regarde en vérité le bienfait qu'il y a dans cela le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui rompt le jeûne donc à un jeûneur celui qui va en vérité donner à un jeûneur à manger pour qu'il puisse rompre le jeûne il aura la même récompense que le jeûne qu'il a commis qu'il a fait aujourd'hui Donc tout ce qu'il a fait comme hasanat aujourd'hui, toi tu vas avoir la même récompense. وَقَدْ يَكُنْ بِشَيْءٍ خَفِيفٍ تَمْرَ مَثَلًا Ah, كَسْمَ أَشَيْءٍ خَفِيفًا Donc يُأَكِلُهُ بِشَيْءٍ خَفِيفٍ Même si c'est en vérité léger, tu commences déjà par des dates, l'eau, et après tu vas lui terminer par des choses qui sont légères. C'est pas grand chose, mais en vérité tu as beaucoup de hasanat. فَإِعْدَادُ الطَّعَامِ فِي هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي لِلْمُحْتَاجِينَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ فِيهِ مُضَاعَفَةً أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ Donc le fait de donner à manger à ceux qui en ont besoin, les muhtajin, يَعْنِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِلْمُحْتَاجِينَ C'est mieux en vérité d'aider justement celui qui a besoin. Et meilleur, c'est parmi les meilleurs actes, car les sadakas seront augmentés ce jour-là, et plus que les autres mois. فهناك صار من الفارس قال يعني خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد ظل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام لياليه تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضته فيما سواه ومن أدى فيه فريضته فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الخطبة يعني ذكر يعني الخير الذي فيه في هذا الشهر يعني آخر شعبان فقال أيها الناس يعني donc aux gens donc le dernier jour du Shaban il a dit aux gens donc on va vous rapprocher le mois du Ramadan un mois illustre un mois béni un mois où il y a un jour qui est meilleur que 100 mois 100 donc 1000 mois donc meilleur que 1000 mois très long mais elle fait char et Allah Azza wa Jalla donc ici il a fait donc il a rendu ce jeûne obligatoire, farida, et aussi le qiyam bil-layl, tatawwu, donc le fait de prier tarawih, donc c'est une sunna. Et celui qui se rapproche d'Allah Azza wa Jalla par les biens, en faisant du bien, cela en vérité, c'est comme si il avait en vérité donc fait en vérité donc les obligations pour autre. Et celui qui avait en vérité fait les obligations, c'est comme si Allah avait fait 70 fois. C'est comme s'il avait fait en vérité 70 farida. Allah Azza wa Jalla, donc il va multiplier 70 fois par rapport aux autres mois. C'est comme si les actes que tu es en train de faire, ils sont 70 fois meilleurs que les actes que tu fais pendant autre que le mois du Ramadan. Et c'est un mois de patience, Charles Sabr. Donc c'est qu'Allah Azza dit « Innama al-wafa sabrun ajrahum bi ghayri hisab » Fahad hadhihi al-aya nazalat fi li-Ramadan. « Ya'amma li-kulli sabirin lakin nazalat shani khassatan bi sha'ri Ramadan » Certes, il donne énormément de récompenses à ceux qui patientent, sans compter. Il donne la récompense à ceux qui ont patienté, sans compter, et ce verset est descendu pour le mois du Ramadan, pour les jeûneurs. Il est descendu pour les jeûneurs, même si en vérité il est général pour tous ceux qui vont patienter dans toutes choses. Et la patience a comme récompense le paradis. La patience a comme récompense le paradis. Les anasab et les sabissa. Quand on va dire la patience, c'est pas quelque chose de simple. Et Allah aime beaucoup. Et c'est aussi un mois de compassion. Le fait que tu vas créer des liens avec des gens, tu vas tisser des liens, c'est un mois de compassion. Et c'est un mois où le risque il augmente chez le croyant. Yazdad le risque, un mu'min. Shal yazdad ufi risque le mu'min. Allah Azza wa Jalla yani yaktub le risque yani ala le mu'min yani fi hada shahr. Lianna al qadar يكون يعني حسب يعني عند اللوح المحفوظ عند بطن الولد وفي رزق يعني ما يسمى اليومي والسنوي ورزق السنوي الله عز وجل ينزله في ليلة القدر لذلك سميت ليلة القدر يعني لأن الله عز وجل يعني جعل المقادر السنوي السنة في هذه الليلة حتى أسماء الحجاج الله عز وجل نزل أسماء الحجاج هذه السنة بهذه الليلة. Donc ici, c'est la nuit du destin. Quel destin? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le destin? C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il va donc descendre le destin annuel de chaque personne. Et son reste, automatiquement, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, dans ce destin-là. Et il y a même le nom des Hujjaj. Il y a même donc d'autres points. C'est-à-dire, en réalité, il y a le destin de quoi? Des gens. Il y a en réalité le destin des gens pour toute l'année. Puis en réalité, le destin, il vient donc, journalièrement, il vient à l'année, il vient aussi dans le ventre de l'enfant, donc la vie, et il est écrit aussi sur l'Arhul Mahfouz. Donc c'est ces quatre façons-là. Et aussi, celui qui va donc donner à manger à quelqu'un qui jeûne, donc lui sera pardonné les péchés, donc lui aussi, C'est comme si en réalité il avait libéré les esclaves. En réalité il s'est libéré, plutôt. C'est comme si en réalité il s'est libéré du feu, plutôt. C'est comme s'il était enchaîné au feu, et en réalité, alhamdoulilah, il s'est libéré du feu, et il aura la récompense de celui qui a jeûné, sans que la récompense de l'autre ne soit diminuée en quoi que ce soit. Donc sans que la récompense de l'autre ce soit en réalité, donc, en quoi que ce soit. فقالوا الصحابة يعني ليس كلنا يعني كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال يعني يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو نفقة لبن donc il dit c'est pas tout le monde les compagnons aujourd'hui donc ليس جميعنا يعني عندنا المال ليس جميعنا نستطيع أن نفطر الناس يعني فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا donc ils ont dit en vérité on n'est pas tous on n'a pas tous les moyens en vérité de pouvoir en vérité faire un jeûne à quelqu'un et il a dit Allah donne la récompense même à celui qui va donner une date celui qui va faire rompre le jeûne de quelqu'un ne serait-ce qu'une date ou une gorgée d'eau le fait que tu le fasses par de l'eau ou le fait que tu le fasses aussi donc goûter du laban c'est-à-dire même la moindre chose حتى القليل يعني وهو الشعر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخرته يعني عتق من النار يعني من خفف عن مملوكه فهناك طبعا بالنسبة يعني آخر الحديث يعني في النظر بالنسبة لصحة الحديث وإن كان هناك يعني اللجنة دائما سيكونومي ما باتي ici par rapport à أول هو رحمة ça donc c'est pas authentique à كل حد donc c'est pas authentique mais donc sûrement il y a peut-être si eux l'ont dit c'est peut-être pas eux le voient authentique parce que c'est pas n'importe qui a mis ce hadith là mais inshallah voilà donc ils disent ça donc ils disent que comme on a dit أول هو رحمة وأوسط المغفرة وآخر هو عتق من النار donc ici on voit que Allah Azza wa Jal donc Nabi Sallam a expliqué un petit peu le khair qu'il y a dans ce mois le khair qu'il y a à Kul Hal dans ce mois فيجب الإسلام يعني يجب الصيام يعني على كل مسلمين يجب الإسلام على يعني الصيام على كل مسلم يجب الصيام على كل مسلم وهو عاقل وهو بالغ لأن رفع الكلام عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل عن المجنون حتى يعقل إذن est obligatoire de jeûner pour celui qui est musulman pour celui qui a la raison pour celui qui a la puberté كذلك وقادر على الصوم ليس مريضا ليس مريضا donc en vérité il est capable de jeûner et il n'est pas malade et il n'est pas en vérité donc malade ou dans la capacité وكذلك أن يكون مقيما ليس مسافرا من نسبة الوجوب il faut qu'il soit en vérité donc sédentaire il faut qu'il soit résident si par pays il voyage beaucoup on a dit qu'il avait le droit à la de jeûner donc l'obligation elle saute Il peut jeûner, mais ce n'est pas une obligation. وكذلك هو يكون يعني خاليا من الموانع يعني موانع الصيام كالحيض والنفاس فهو خالي من الموانع il ne faut pas qu'il y ait des choses qui vont lui interdire le jeûne. Donc l'homme est en l'occurrence la femme, celle qui a ses menstrues, celle qui a ses lochies et autres. وطبعا دخول رمضان يعني معروف هناك بعض الفتاوى بالنسبة للصيام يعني مع جميع الناس في البلد بالنسبة صيام رمضان فهذه الفتوى يعني أصدرت من عدة مشايخ ومنهم الشيخ فوزان رحمه الله حفظ الله عز وجل يعني بالنسبة هذه يعني دخول الهلال فيعني الناس يصومون مع بعض يعني بالنسبة للبلد الذي يكون فيه يكونون في هذا البلد فنكتفي بهذا اليوم إن شاء الله بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أهل اللجنة من هذا المجيد وكذلك شيخنا الإمام هذا المجيد على إطراح يعني هذه الفرصة لشرح يعني بعد مناسك العمر بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته